89.1. CKRL, Québec. Bienvenue à une autre émission de Web Musique. Mon nom est Simon Roy. On va passer cette semaine 2 heures ensemble. Et oui, l'émission Beau temps, mauvais temps avec Guy Tremblay n'aura pas lieu. Donc, c'est un spécial Web Musique 2 heures. Donc, on va avoir le temps de s'étendre un peu plus. Les émissions habituellement 1 heure passent quand même assez vite. Donc, bien content d'avoir 2 heures en votre compagnie. Donc, cette semaine, on va s'attarder à 4 net labels, donc 4 étiquettes qui offrent leur musique en téléchargement gratuit. La première demi-heure va être consacrée à Subwise, une étiquette russe, donc vraiment intéressante, beaucoup de matériel, donc je vais vous en faire découvrir un peu. Ensuite de ça, la deuxième demi-heure, c'est BFW Recordings, puis dans la deuxième heure, on va entendre des pièces qui sont publiées sur Enough Records, puis enfin, on va terminer l'émission avec des artistes qui sont publiés sur Headphonica, une excellente étiquette allemande. Donc, ben c'est ça, sans plus attendre, on va débuter, donc comme je vous disais, sur l'étiquette Subwise, on va entendre un artiste du nom de Double Beat, je vous fais entendre la pièce « My Arab Lady ». Tout de suite après, c'est Tomsk IDM Composers avec la pièce Gonna Cross. Vous allez voir 2 pièces excellentes pour débuter Web Music. We'll be right back. Russie, c'était Tomsk, IDM Composers avec sa pièce Gonna Cross. Avant ça, ben, on avait débuté Web Music avec Double Beat. La pièce s'intitulait My Arab Lady. Donc, deux artistes publiés sur l'excellent netlabel Subwise. Toujours sur Subwise, on va poursuivre avec Plastic Audio Project. La pièce s'intitule Jumping Lemon. Tout de suite après, c'est Nick Snake F avec la pièce Always Is True. We'll be right back. Artiste russe de la ville de Moscou, c'était Nick Snake F avec sa pièce Always is True. C'est tiré de son album Creighton Mythos, vraiment excellent. Je vous invite à le télécharger. Avant ça, de la Biélorussie, c'était Plastic Audio Project avec la pièce Jumping Lemon. Donc, comme à l'habitude, vous pouvez donc tout télécharger les pièces entendues à l'émission. Vous avez juste à vous rendre au www.webmusique.ca. Donc, vous allez avoir accès à toute cette bonne musique. Vous allez pouvoir la télécharger donc gratuitement et légalement. On poursuit avec un autre artiste de la ville de Moscou. Il s'agit de Trunks. Je vous fais entendre sa pièce Source. Tout de suite après, c'est Danoise, un artiste de la ville de Penza, encore en Russie. Sa pièce s'intitule « I Hear the Nocturnal Insects ». Vous allez voir, assez excellent. C'est tiré de son album « When Yumi Sleeps ». Un album vraiment à découvrir. Allez le télécharger, vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Donc, on écoute tout de suite à Web Music Trunks avec sa pièce « Source ». de la ville de Penza en Russie, c'était The Noise avec la pièce I Hear the Nocturnal Insects. C'était tiré de son album When Yumi Sleeps. Comme je vous disais tantôt, allez télécharger cet album-là, c'est vraiment excellent. Avant ça, de Moscou, c'était Trunks avec sa pièce Source. Donc, ben c'est ça, c'est déjà la première demi-heure de web musique qui s'achève. Donc, on a entendu des artistes qui sont publiés sur l'étiquette russe Subwise, une étiquette qui vient de la ville donc de Saint-Pétersbourg. Ils ont plus de 125 albums en téléchargement gratuit, donc un catalogue quand même assez impressionnant. Je vous invite à aller les visiter, vous allez voir plein de bonnes musiques sur cet excellent netlabel. Nous, ben, on va faire une courte pause, puis ben, Webmusic vous revient tout de suite après. Vous avez l'oreille curieuse, vous recherchez des sons différents, vous avez le goût de musique déroutante, inhabituelle, déstabilisante, mais pleine de sens. Écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL, une émission en art audio et électronique animée par Myriam Lambert et Jean-Pierre Gay, présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. Tous les dimanches à 23h, La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Programmation, écoute en direct. Actualité, palmarès musical, téléchargement, clavardage et plus encore. CKRL.qc.ca. Toute l'information que vous recherchez sur votre station. CKRL.qc.ca. Cultivez vos goûts grâce au 89. Pour joindre votre animateur en ondes, faites le studio à commercial ckrl.qc.ca ou composez le 640 1586 640 1586. CKRL. Québec. De retour à Web Musique, donc deuxième demi-heure de l'émission. Cette fois-ci, on va s'attarder aux artistes publiés sur BFW Recordings, donc encore un autre netlabel qui offre une quantité assez appréciable d'albums en téléchargement gratuit. Donc, on va débuter avec Echo Fisk. Je vous fais entendre sa pièce Embers. Tout de suite après, c'est Ancient Lasers avec la pièce Ancestors. Thank you. de la ville de Los Angeles, c'était The Ancient Lasers, donc avec leur pièce Ancestors. Avant ça, ben, c'était Echo Fisk, un artiste de Staffordshire en Angleterre, donc avec sa pièce Embers. Deux artistes publiés sur BFW Recording, donc une étiquette qui nous vient de l'Angleterre. Plein de bonne musique sur BFW. Donc, on poursuit avec un autre artiste, cette fois-ci de l'Indonésie. L'artiste s'appelle AFFIN, donc c'est l'abréviation pour Anatomy for Fabulous Emergency Noises. Vous allez voir un groupe assez intéressant, plutôt un artiste assez intéressant à découvrir. Je vous fais entendre sa pièce Like Life Easily Ended. Tout de suite après, de la ville de Glasgow en Écosse, c'est The Maybes. Je vous fais entendre la pièce All You Got. Donc, c'est tout de suite après AFFIN qu'on écoute tout de suite. Thank you. de l'Écosse, plus précisément la ville de Glasgow, c'était des Maybees avec la pièce All You Got. Avant ça, de l'Indonésie, c'était AFFIN, donc un diminutif pour Anatomy for Fabulous Emergency Noises. Donc c'était avec leur pièce Like Life Easily Ended. Donc, ben c'est ça, vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL. Donc, je vous rappelle que vous pouvez télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. Vous pouvez télécharger de façon gratuite et légale. Donc, il n'y a pas d'histoire de donner son courriel ou de trucs comme ça. Vous téléchargez directement et la pièce vous appartient. Donc, vous pouvez la partager, la remixer. Vous faites ce que vous voulez avec, pourvu que vous respectiez la licence originale qui est souvent publiée sous licence donc Creative Commons. On va poursuivre avec un artiste toujours de l'Angleterre. Il s'agit de Ketsa. Je vous fais entendre sa pièce Light Bearer. Tout de suite après, c'est Ghost Kid. On entend sa pièce Monster Maker Dub. Donc un petit peu de dub à web music. On écoute tout de suite Ketsa. Thank you. de la ville de Milwaukee, donc aux États-Unis, c'était Ghost Kid avec la pièce Monster Maker Dub. Avant ça, de l'Angleterre, c'était Ketsa. Il nous faisait passer sa pièce Light Bearer. Donc, c'était des artistes qui étaient publiés sur BFW Recordings, donc une étiquette anglaise vraiment excellente, plein d'albums, donc de styles assez variés. Ça passe du pop-rock, électro, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, allez faire un tour sur BFW Recordings. Plein d'albums pour vous en téléchargement gratuit. Je vous rappelle que vous pouvez donc consulter la playlist de WebMusic. Vous pouvez la consulter sur www.webmusic.ca. Donc, si vous y allez, vous allez avoir les liens donc, pour télécharger tous les artistes, toutes les pièces entendues à l'émission. Aussi, si vous voulez plus d'informations, donc c'est la place à se rendre pour en savoir un peu plus à propos de WebMusic. L'émission est également disponible en balado-diffusion. Donc, si vous manquez des petits bouts, ben, si vous n'avez pas le temps de vous arrêter les dimanches soirs, donc vous pouvez l'écouter en tout temps. Vous avez juste à télécharger l'émission, puis vous l'écoutez quand vous voulez. Vous pouvez même peser sur pause. Donc, un gros avantage comparé à la radio. On fait une courte pause, puis WebMusic vous revient tout de suite après. Les finissants du Conservatoire d'art dramatique de Québec entrent en scène dans Fragments, une création théâtrale collective mise en scène par Marie-Josée Bastien. Ces fragments d'histoire, plus insolites les unes que les autres, sont attachés par une trame qu'on découvre peu à peu avec stupéfaction. Venez voir Fragments, du 26 février au 4 mars, au Théâtre du Conservatoire, 13 rue Saint-Stanislas. Informations et réservations au 418-643-9833. Billets, 10 $ adultes et 5 $ étudiants. Plus de 70 000. C'est précisément le nombre de personnes qui écoutent CKRL 89.1 dans la grande région de Québec et les environs. Depuis 1973, grâce à vous, CKRL se construit, se bâtit, évolue et grandit. Toujours à l'écoute. Aujourd'hui, la plus vieille radio communautaire en Amérique du Nord, voire même dans le monde, CKRL est toujours là. Grâce aux milliers d'animateurs, de réalisateurs, de collaborateurs qui ont animé ces ondes. Et grâce à vous, auditeurs et auditrices toujours nombreux, toujours à l'écoute. Merci de laisser CKRL 89.1 cultiver vos goûts depuis 1973. Les mardis 9h, Geneviève Desgagnés nous parle sport. Pas de résultats, pas de pronostics, que le plaisir et la passion de faire de l'activité en solo ou entre amis à Sport pour tous. Un magazine pour maximiser sa forme physique à CKRL. CKRL. De retour à WebMusic. Et non, c'est pas l'émission Beau temps, mauvais temps avec Guy Tremblay. Donc, c'est WebMusic qui se poursuit. Guy pouvait pas être là cette semaine, donc je le remplace avec plaisir. Donc, une heure de plus de WebMusic. Cette fois-ci, on va se déplacer sur l'étiquette Enough Records, une étiquette qui nous vient du Portugal, qui compte plus de 300 albums, donc en téléchargement gratuit. Ça va dans à peu près tous les styles possibles et inimaginables. Donc, c'est une excellente ressource pour trouver musique gratuite. Toujours des albums assez intéressants. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur le site à propos des albums. C'est vraiment plus comme un catalogue. Donc, on vous invite à aller vers... il y a des liens vers les artistes. Donc, allez consulter ça si vous voulez en savoir un peu plus sur les artistes qui sont sur Enough Records. On va entendre tout d'abord un artiste de la Belgique du nom de Trollhead. Je vous fais passer la pièce Snurker. Tout de suite après, j'ai aucune idée d'où est-ce que vient cet artiste-là. Il se nomme Mons Jasset. Je vous fais entendre la pièce Whiskey Acid. Donc, vous allez voir deux pièces quand même assez musclées pour débuter cette demi-heure. Donc, tout de suite, on écoute Trollhead. We'll be right back.

en espérant que votre radio n'ait pas été scrappée par cette base complètement crottée. Donc, c'était Mons Jacet avec sa pièce Whiskey Acid. Avant ça, de la Belgique, c'était Trollhead avec sa pièce Snurker. Donc, deux artistes qui publient sur Enough Records, un excellent net label qui nous vient du Portugal. Pour la suite de Web Music, je vous propose un artiste de la ville de Manchester. Il s'agit de Amitron 7. Je vous fais entendre la pièce Koala Wrist Action. Je ne sais pas pourquoi j'adore le titre de cette pièce-là. Tout de suite après, ça va être MPEX, un artiste qui nous vient de la ville de Lisbonne au Portugal. Je vous fais entendre la pièce Baby Lonis. Vous allez voir, vraiment excellent. On écoute tout de suite Amitron 7 à Web Music. C'était une pièce tirée de l'album Ai Fado, donc un album qui a la particularité d'avoir été composé uniquement à l'aide d'un iPhone et de quelques applications gratuites. Donc, c'est assez surprenant comme résultat. Ça sonne, c'est assez incroyable. Donc, l'artiste vient de la ville de Lisbonne, au Portugal. Il s'appelle Mpex. C'était la pièce Babylonis. Avant ça, de la ville de Manchester, c'était Emmeton 7 avec la pièce Koala Wrist Action. Pour poursuivre Web Music, on va rester au Portugal. On va entendre Sci-Fi Industries. Donc, un artiste qui utilise seulement donc, du hardware pour faire ses trucs. Aucune aide d'un PC. Donc, je vous fais entendre la pièce Nativity in Glass. Thank you. du Portugal, c'était Sci-Fi Industries avec la pièce Nativity in Glass. C'était donc publié sur l'excellent Netlabel Enough Records. On fait une courte pause, puis Web Music vous revient tout de suite après. Pour sa prochaine activité, le Ciné-Club Spirafilm vous propose l'émotion sur grand écran. Le 27 février 19h, à la salle Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou, voyez « Valse avec Bachir » d'Harry Folman, un film d'animation bouleversant présenté à Cannes en 2008. La séance sera précédée du court-métrage « Le dernier au revoir » de Nathalie Tanou. Invité, Karine Boulanger, programmatrice à la Cinémathèque québécoise. Le Ciné-Club Spirafilm est présenté en collaboration avec le service d'animation socioculturelle du Cégep Limoilou, le MCCCF, Télé-Québec, monlimoilou.com, la Boîte à pain, le Bal du Lézard et CKRL. Programmation, écoute en direct, actualité, palmarès musical, téléchargement, clavardage et plus encore. CKRL.qc.ca. Toute l'information que vous recherchez sur votre station. CKRL.qc.ca. Cultivez vos goûts grâce au 89.1. Aide aux proches des personnes souffrantes de dépendance ou à l'entourage des personnes judiciarisées. Discussions, témoignages. Avec Élisette Amour et l'équipe du Centre Le Passage. Ne manquez pas l'émission Zone d'échange les lundis 9h. Seulement au 89.1. CKRL. Québec. De retour à Web Music, donc vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. C'est la dernière demi-heure de l'émission. On va la passer sur le netlabel Edphonica, un netlabel que j'adore. Edphonica qui nous vient de l'Allemagne. C'est un netlabel qui se spécialise, comme ils disent, la musique pop, mais plutôt expérimentale, donc plein d'albums à télécharger de façon gratuite. J'adore tout ce que Edphonica peut publier, toujours des artistes qui sortent vraiment de l'ordinaire. Donc, pour débuter cette dernière demi-heure d'émission, on va entendre ABC 100, un artiste, ça fait un petit bout de temps que j'ai découvert, pas beaucoup d'informations, je sais juste que c'est un étudiant qui est en Russie. Donc, je vais vous faire entendre la pièce Grey. Tout de suite après, de la ville de Bethlehem, en Pennsylvanie, aux États-Unis, c'est Jared C. Balog. Je vous fais entendre sa pièce An Out of Tune Tune. Vous allez voir, petite trame sonore, on dirait, pour un dessin animé assez tordu. Donc, tout de suite à Web Music, on écoute ABC 100. Oh,

de la ville de Bethlehem en Pennsylvanie, c'était Jared C. Balog avec sa pièce An Out of Tune Tune. Donc, c'était publié sur Edphonica, une étiquette allemande. Tout de suite avant, c'était de la Russie ABC 100 avec sa pièce Grey. Donc, c'est ça, vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL. On fait un petit spécial pour la dernière demi-heure de l'étiquette Edphonica. Donc, on poursuit avec un artiste, la ville de Berlin. Il s'agit de Zell Raisin avec la pièce Foodie Doody. Vous allez voir, assez tordante comme pièce. Ensuite de ça, c'est Cloudmouth. J'ai absolument aucune information à propos de l'artiste. Je vais tenter de trouver un lien vers l'artiste. Donc, avec un nom comme ça, il est tout à fait invisible sur les internets. Donc, je vais essayer de trouver exactement c'est quoi la page de l'artiste. Donc, on va entendre cette pièce « A Feather for a Frog's First Wing », donc une pièce tout aussi intéressante. Donc, on va entendre tout de suite « Foodie Doody » par Zell Raisin. Thank you. c'était Cloudmouth avec la pièce A Feather for Frog's First Wing. C'était précédé par un artiste de la ville de Berlin du nom de Zell Raisin. C'était la pièce Foodie Doody. Donc, pour poursuivre Web Musique, on va se déplacer du côté de l'Ukraine, la ville de Kharkov. C'est le groupe Gosprom, donc groupe assez populaire dans le monde net audio, que j'ai eu la chance de voir en 2009 à Berlin, donc au festival Net Audio. Je vais vous faire entendre la pièce San Francisco. Vous allez voir, vraiment excellent. L'Ukraine, c'était Gosprom avec leur pièce San Francisco. Ça va déjà être tout pour Web Musique, donc je vous invite à visiter le site de l'émission qui est au www.webmusique.ca. Vous allez pouvoir donc télécharger toutes les pièces entendues à l'émission et vous allez pouvoir donc aussi télécharger l'émission en balado-diffusion si vous avez manqué des petits bouts. Vous pouvez avoir accès aussi à toutes les émissions antérieures, donc jusqu'en 2007. Beaucoup de matériel, plein de bonne musique gratuite pour vous, plein de découvertes à faire. Donc, allez faire un tour sur le site de l'émission, ça vaut la peine. On va se quitter sur une dernière pièce de l'artiste Erko Fizmiz, qui vient de l'Angleterre, donc un artiste à découvrir si ce n'est pas déjà fait, qui a plein de trucs vraiment intéressants. Donne beaucoup dans les opéras de ce temps-ci. Il a déjà produit un album qui dure 15 heures, donc qui est publié aussi sur Headphonica. Donc, allez voir ça, ça vaut la peine. Plein d'ambiance vraiment spéciale. Je vais vous faire entendre, pour terminer l'émission, une pièce tirée de son album Music from the Shoes of Fulcanelli. C'est une pièce, donc c'est la trame sonore pour cette pièce-là. Je vous fais entendre la pièce Open Your Head. On va se laisser là-dessus, puis je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine à compter de 20h pour notre émission de Web Music. Vous avez l'oreille curieuse, vous recherchez des sons différents, vous avez le goût de musique déroutante, inhabituelle, déstabilisante, mais pleine de sens.